Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans le cours de l'histoire sur France Culture, historiens, historiennes, confinés mais mobilisés pour comprendre le moment étrange que nous vivons. Que peuvent nous apprendre les épidémies du passé sur celles que nous traversons? Demandons son avis à Guillaume Lachenal. Bonjour Guillaume Lachenal. Bonjour. J'ai envie de vous poser une question très large pour commencer. La manière dont sont appréhendées les maladies a changé avec le temps. Il n'est pas possible de comparer le Covid-19 avec la peste, quand on pensait qu'elle était transmise par les miasmes. Dites-nous, Guillaume Lachenal, par rapport aux épidémies du passé, que voyez-vous de nouveau dans le moment que nous vivons ? Effectivement, je crois que on peut interdire aucune comparaison. Évidemment, il ne s'agit pas du tout de faire la police de ce qui est comparable ou ce qui ne l'est pas. Mais comme vous le dites, c'est très important de se souvenir que les épidémies, derrière des similarités apparentes sur des réactions souvent d'ailleurs populaires ou d'ordre culturel, derrière ces similarités apparentes, on a quand même d'abord des cadres de compréhension des épidémies qui ont radicalement changé, la découverte de la contagion, des microbes, etc., qui changent complètement la donne. Et puis, on a aussi un changement de la biologie humaine. On n'a pas les mêmes corps, évidemment, qu'au Moyen-Âge. Les pathogènes aussi ont changé. Et puis, les échelles de ces épidémies ont complètement changé. Et ce qui est fascinant dans l'épidémie de coronavirus, c'est évidemment son échelle pandémique dans une terre qui n'a jamais été aussi peuplée, évidemment. Il existe une constante entre les épidémies, Guillaume Lachenal, c'est leur mise en récit. Les épidémiologistes ont toujours mis l'épidémie en récit. Oui, ils la mettent d'abord souvent en chiffres, en cartes, en schémas, mais ils la mettent aussi en récit. Les exemples connus, c'est ces fameuses quêtes des patients zéro qu'on avait vues au milieu des années 80 autour du sida, où en fait d'identifier un patient qui n'était pas du tout le patient zéro, mais qu'on a nommé comme ça, était une manière de rendre appréhensible l'épidémie, surtout de lui donner un sens moral, puisque ce patient zéro, c'était un steward d'Air Canada, donc qui n'était pas américain, donc qui était responsable de l'introduction du virus aux États-Unis, qui faisait les malades américains soudainement des victimes. Donc un récit, ça permet de remettre l'épidémie, qui est avant tout un désordre, hein, c'est presque ce qu'il a défini, de la remettre un peu sur ses pieds et de rendre possible d'agir sur elle, ce qui n'était pas le cas avant. Donc effectivement, raconter une épidémie de ce point de vue-là, c'est un geste fondamental, même pour la santé publique. Guillaume Lachenal, dans votre travail en tant qu'historien des sciences, l'épidémie se raconte, elle se raconte comme une tragédie, puisqu'il y a un début, souvent minuscule, et qui prend une ampleur démesurée. C'est un récit que l'on retrouve sans cesse, qui peut être calqué avec quelques variations sur toutes les épidémies. Oui, alors ce fameux récit épidémique, bon, qui a été identifié par un grand historien de la médecine, Charles Rosenberg, c'est un récit, effectivement, qu'on a l'impression de voir se rejouer partout. Alors, récemment, avec un collègue, Gaëtan Thomas, on a essayé justement de réfléchir à cette idée d'un récit qui revient toujours. Et nous, on a quelques doutes tout de même là-dessus. Alors d'abord, c'est très ennuyeux pour les historiens, l'idée que c'est toujours la même chose et toujours le même récit. C'est presque le contraire de ce qu'on attend d'un historien, qui est plutôt là pour expliquer ce qui change ou ce qu'il y a de nouveau. Donc nous, ça nous embêtait un peu. Et puis, ces moments de l'épidémie, on peut revenir dessus, mais par exemple, la fin des épidémies, qu'est-ce que la fin des épidémies pour beaucoup de gens, les épidémies ne se terminent pas parce qu'ils ont des séquelles, parce que les paysages, les institutions sont changés. Donc ce récit de début et de fin, il a quelques points aveugles ou quelques endroits en fait où ce récit est largement une construction que nous calquons sur des phénomènes qui en fait dépassent, je pense, largement ce cadre un peu schématique. Et dans ce discours autour de l'épidémie, il y a les rumeurs. Alors, les premières rumeurs hein, sur les responsables, avec beaucoup de fantasmes aujourd'hui pour le Covid-19, il y a la rumeur, l'infox d'une création en laboratoire. Ces rumeurs se greffent sur l'épidémie pour tenter d'expliquer en fait ce qui paraît inexplicable. Oui, je pense que la rumeur assigne aussi souvent une responsabilité humaine à l'épidémie. Et finalement, ce qu'on a le plus de mal à accepter, c'est que c'est toujours pareil, c'est que l'homme n'est peut-être pas grand-chose à voir dans un événement qui est aussi un pas de chance ou bien une innovation biologique, comme tout ce qui se passe dans le monde vivant, hein, qui est une suite d'essais-erreurs, et l'épidémie en est une. Et c'est pour ça que je pense que les nouvelles approches des épidémies aujourd'hui en histoire, qui donnent une grande place au savoir biologique et aux sources biologiques, sont aussi une manière d'arriver à penser des causalités qui soient pas simplement humaines, pour une fois. Guillaume Lachenal, l'épidémie est un révélateur de l'état d'une société. Il est possible d'étudier une société à travers une épidémie. Mais que révèle-t-elle en fait? Les défauts d'une société ou plutôt ses qualités ou sans doute les deux? Ah oui, bon, je crois que c'est sans doute les deux. L'épidémie va révéler les peurs et les haines autant que les solidarités, la compassion. Et puis, je crois, encore une fois, pour reprendre à nos distances sur cette idée que c'est toujours le même schéma qui se met en place, l'épidémie révèle aussi à la fois les capacités d'innovation des êtres vivants, y compris des êtres vivants qui nous veulent pas du bien, comme les virus ou les bactéries, et les capacités, évidemment, d'invention des sociétés humaines. Et bon, récemment, l'histoire du VIH-Sida ou l'histoire d'Ebola, c'est aussi l'histoire de l'invention par les communautés touchées de l'épidémie de nouvelles solidarités, de nouvelles identités politiques, de nouvelles exigences morales et politiques aussi quant à la société en général, avec une vraie universalité produite dans ces expériences spécifiques de populations touchées par l'épidémie. Donc, cet aspect-là est aussi important et très riche. Malgré tout, Guillaume Lachenal, une épidémie change-t-elle une société profondément? Dans les exemples du passé, il y a le avant, le pendant et le après l'épidémie. Mais dans les structures sociales, voire politiques, trouve-t-on des changements majeurs après une épidémie? C'est une bonne question. Je pense qu'il faudrait y répondre à différentes échelles de temps. Et puis le problème, c'est que l'épidémie d'après vient toujours faire démentir l'ampleur de ces changements. Moi, comme beaucoup, j'ai espéré que après l'épidémie d'Ebola en 2014-2015, la cause était entendue et qu'on allait enfin comprendre que pour lutter contre une épidémie d'un pathogène émergent, il faut à la fois des plans de préparation militaire, des moyens scientifiques de dépistage, etc., mais aussi et surtout des systèmes de santé qui fonctionnent. Ça, c'est une leçon d'Ebola en 2014 qui a été dite et redite dans toutes les instances internationales et toute la littérature critique qui a été écrite par l'épidémie. Et on voit très bien aujourd'hui qu'en fait, tout ça a eu très peu d'effet. Donc, des changements, oui, dans l'analyse, etc., les changements institutionnels, sont parfois beaucoup, beaucoup plus lents, quand ils ont lieu. Dites-nous, Guillaume Lachenal, les médecins et les soignants sont aujourd'hui au cœur de nos questionnements, et c'est normal. Le regard porté sur celui ou celle qui peut nous sauver change au moment de l'épidémie. Est-ce quelque chose que l'on retrouve à chaque épidémie, mettre en avant le soignant, celui qui peut nous sauver? Alors, oui et non, on a aussi une longue histoire au contraire, de méfiance très forte envers les soignants, hein. Le grand exemple, c'est le choléra dans l'Angleterre du 19e siècle, où les médecins sont directement accusés de provoquer l'épidémie. Pourquoi? Parce que, de façon assez évidente, les médecins profitent de l'épidémie. Ils en profitent pour leur petit commerce, et puis ils en profitent aussi parce qu'ils ont soudainement accès à des cadavres en très grand nombre. Et on a un moment de la médecine où le cadavre est l'outil scientifique du médecin. Le médecin a besoin de cadavres, et il y a une course aux cadavres dans Londres, et le choléra tout d'un coup rend les cadavres nombreux et disponibles. Donc c'est comme ça que les médecins sont accusés. On a vu ça aussi pendant les épidémies d'Ebola, hein, avec là encore accusation des organisations humanitaires et des médecins qui venaient d'être responsables de l'épidémie, parce que de façon évidente, c'est de là qu'ils tiraient leur salaire. Donc on a aussi beaucoup d'accusations en fait assez fréquentes des médecins dans les épidémies, et l'histoire coloniale est pleine d'exemples aussi de ce point de vue-là. Oui, et vous êtes spécialiste, Guillaume Lachenal, de l'histoire de la médecine coloniale, avec l'idée que l'histoire ne se répète pas, même si l'épidémie, la maladie, dépasse l'humain et nous laisse à penser que les réactions peuvent être les mêmes, hein, d'une épidémie à l'autre. Ce qu'il faut retenir donc, c'est attention à la comparaison quand il est question d'épidémie. Alors oui, d'épidémie et plus généralement, l'auteur qui nous a intéressés avec Gaëtan Thomas, c'est évidemment le grand historien Marc Bloch et son livre L'étrange défaite. Je crois que ce qui est intéressant à essayer de penser en ce moment dans ce qu'on traverse tous, c'est cette espèce de sidération devant cette crise que précisément on n'a pas vu déjà au cinéma. Même Contagion est complètement en deçà en fait de ce qu'on est en train de traverser. Et Marc Bloch, dans L'étrange défaite, il essaye de penser cette sidération qu'a pris la France et l'armée française en 1940. Et pour lui, cette sidération, elle est liée au fait qu'on n'est pas parvenu à penser ce qui était en train d'arriver, à penser la guerre telle qu'elle se faisait dans les années 40. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à penser, d'après Marc Bloch, hein, c'est qu'on était prisonnier d'un culte du passé, on était prisonnier de leçons de l'histoire et d'histoires récitées et récitées de la guerre de 14-18. Et que c'est ça, selon Marc Bloch, qui a empêché les chefs français d'arriver à être à la hauteur du présent. Donc de ce point de vue-là, on peut le suivre et suivre cet immense historien pour se méfier tout de même des leçons de l'histoire, ou en tout cas de ce réflexe ou de ce cliché peut-être tout simplement de dire que l'histoire aurait des leçons à nous offrir pour nous guider dans la crise présente. Le regard de l'historien, de l'historienne est essentiel face au flot de discours qui partent un peu dans tous les sens en ce moment. Et puis il y a le temps du discours, Guillaume Lachetal. Une lecture, vous évoquez Marc Bloch, de l'histoire comme une réflexion sur le temps long peut se porter aussi sur le temps court. Nous constatons au moment de l'épidémie que des choix politiques faits quelques années ou quelques décennies auparavant ont des conséquences, en l'occurrence dramatiques, sur le présent. Oui, absolument. Hein. C'est alors après. On n'a pas attendu l'épidémie pour le dire, mais c'est sûr que ce qui est arrivé, disons, aux États-providence européens, en particulier depuis 20 ans, c'est quelque chose qui a beaucoup alarmé les gens qui s'intéressent à la santé, qui s'intéressent au social, etc. Et évidemment, ces voix-là voient leur diagnostic confirmé sur la question, disons, de la néolibéralisation de nos systèmes de santé. Une autre énigme un petit peu historique, je pense, que cette épidémie pose comme question, c'est les effets effectivement de tous les avertissements sur la possibilité d'une pandémie de cet ordre, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'a jamais autant parlé de risques pandémiques que depuis les 20 dernières années. Hein. C'est devenu une des priorités en fait de la santé publique internationale depuis 20 ans. Hein. Cette idée que la grande maladie, les Anglais appellent ça le disease X, la maladie X allait arriver et que ça allait être cette fois la vraie catastrophe. Ce discours, il était très présent et il était d'ailleurs très appuyé sur l'exemple de la grippe espagnole de 1918-19. Donc tout. À la fois cette remémoration de l'histoire, elle était présente, et cet avertissement sur le futur, elle était présent. Et pourtant, en fait, on a réussi à se désorganiser complètement dans notre réponse. Donc ça, je pense, c'est une énigme en fait, une question qui est assez importante. Pourquoi ce discours de la préparation aux pandémies a été à la fois omniprésent et spectaculaire et bien financé, hein. Les chercheurs qui travaillent sur ces questions étaient bien financés. Et pourquoi est-ce que, en pratique, en fait, on a été complètement à la fois désorganisé, puis on a aussi oublié l'essentiel qui était de prendre soin de nos systèmes de santé et de nos soignants. Vous parlez de questions, d'énigmes, et sans doute faudra-t-il aussi parler de leçons. Merci beaucoup, Guillaume Lachenal, pour votre analyse. Retrouvez le cours de l'histoire par Xavier Mauduit tous les matins de la semaine à 9h05 sur France Culture.